Le porte-parole du Comité pour la réunification pacifique de la patrie a répondu le 23 octobre à la question d'un correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée pour accuser les conservateurs sud-coréens de lier avec nous le Parti démocratique d'Oburo, parti de l'opposition, et de la tarser de forces dépendantes du Nord. Il a dit notamment: les conservateurs, y compris le Parti pour un nouveau monde, prétendent qu'il a été révélé par un livre d'un ancien ministre des Affaires étrangères et du Commerce le fait que le pouvoir de Roh Moo-hyun s'est abstenu lors de l'adoption du projet de résolution sur les droits de l'homme du Nord à l'ONU selon l'intention du Nord en novembre 2007, que c'est une affaire sérieuse opposée au principe de l'État et qu'il faut examiner strictement la conception du Nord désintéressée de l'époque. Il lance ainsi une campagne frénétique pour le tarser de forces serviles envers le Nord. Il est à noter qu'à l'époque, le côté Sud n'a pas demandé notre opinion au sujet du projet de résolution sur les droits de l'homme, n'a pas fait part de l'intention de s'abstenir. L'actuelle campagne évoque la situation de l'élection présidentielle en 2012. Alors, en complicité avec leurs suzerains américains, les conservateurs ont falsifié sans hésiter jusqu'à l'enregistrement de l'entretien du sommet Nord-Sud et l'ont rendu public pour vaincre le candidat du parti de l'opposition et élire Park Geun-hye. Si l'abstention pour le projet de résolution sur les droits de l'homme qui porte atteinte aux compatriotes est tarsée de servilité à l'égard du Nord et d'opposition aux principes de l'État, qu'est-ce qu'on doit dire de la conduite de Park Geun-hye qui a promis plusieurs fois, en versant des larmes et en pliant les chines, de contribuer à la prospérité et à la réunification nationale lors de sa visite à Pyongyang? Abandonné par l'opinion publique et acculé dans l'impasse, la bande conservatrice de Park Geun-hye s'attache à la terreur politique pour sortir de la crise de domination et réaliser l'ambition de reprise du pouvoir, mais sa ruine est inévitable.